Bonsoir, bienvenue dans l'émission Associativement Vôtre. Nous vous présentons une soirée qui a eu lieu le 26 juin 2021 et qui regroupait les associations Chansons du Monde, Atelier Autoconstruction d'Épinal en Transition, Vivre et Créer à la Montagne et Ralentir pour Vivre. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Avec Olivier. Ensuite, nous allons inaugurer ce soir en public une nouvelle troupe de théâtre impro. De l'association Ralentir pour Vivre, qui va, selon le thème de ce soir, nous présenter le monde de demain. Ensuite, nous allons avoir des textes qui vont être ponctués de musique. Vincent. Ensuite, Françoise. Ensuite, Filmo. Et il y aura de la musique, parce que nous attendons encore une chanteuse qui s'appelle Aïssa. Peut-être que Maddy Besson va vous interpréter une chanson. Peut-être. Et puis, il y a aussi Félicie qui veut nous chanter quelque chose en finale. Voilà. Je vous présente le troubadour Olivier Dicary. D'un rêve trop grand, d'une immortelle quête, tête, sans rêve de conquête, sinon celle du vent. L'amour a ses revers, tu ne sais pas pourquoi. Tu pleures ou restes quoi? C'est la vie à l'envers. De l'univers, tu reprends ton chemin, efface ton chagrin, continue ton travers. Le brillant lendemain, où sous la même flamme, tous les hommes et les femmes iront main dans la main. En ce jardin si vert, les enfants, les petits et les grands, enfants de l'univers, les petits et les grands, enfants de l'univers. Maintenant, nous allons faire bouger du monde. Alors, j'appelle les 7 personnes concernées. 7 merveilles du monde. Les 7 merveilles du monde. J'appelle les 7 merveilles du monde qui vont être parmi nous. La troupe d'improthéâtre des ateliers d'autoconstruction d'Épinal en transition. Le monde de demain, mais le monde de demain, hier, c'était aujourd'hui. Si hier, c'était aujourd'hui, alors demain, serait-ce aujourd'hui? C'est un monde qui, en fait, commence dès maintenant. Effectivement, il commence dès maintenant. Effectivement. Mais moi, je me souviens... Il y a 10 ans, le monde de demain, je ne le voyais pas comme il est aujourd'hui. Alors, demain, est-ce que le monde sera comme je le vois aujourd'hui? Comment sera-t-il ce monde? Je ne sais qu'en dire aujourd'hui. Je suis du même avis que toi. Je pense, je ne veux pas être pessimiste, mais il va être triste. Pas sûr. Et le monde de demain, c'est nous qu'on le fait là, dans l'association. Épinal en transition. Épinal en transition, c'est une association lambda, certes. Mais on réfléchit au monde de demain et on s'y prépare. Oui. Et le monde de demain, on le prépare à demain. Parce qu'une main ne suffit pas, hein, pour aider. Dans la convivialité, on a besoin de nos deux mains. Ensemble. On donne un coup de main. Aux deux. Aux deux. Avec toi, c'est 4 mains. On peut faire tous notre aide pour ces mondes de demain. Mais demain n'existe pas. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ici et maintenant. Ben oui. Mais pas là-bas. Alors aujourd'hui, on était ailleurs. Oui, on était ailleurs pour une bonne cause. Ah, mais moi, je connais ailleurs. Tu y étais pas. Mais non, mais moi, j'étais ici. Ah, mais oui? Ici, c'est ailleurs. Oui. Et ailleurs, c'est ici. Mais oui. Et nous, on était là-bas Oui. Mais c'était ailleurs, mais c'était ici aussi. Ah, mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, quand même quelque chose qui me... Ah ? Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comprends pas ? Moi, je crois que... Ils sont rien pichés. Ah bon ? Il y a plein de gens, ils ont pas compris. Je leur fais un dessin. Oui. Qui est-ce qui me fait un dessin ? Mais c'est normal, Kingu, que vous n'ayez pas compris. On allait à une réunion au lieu qui s'appelle Ailleurs. Voilà, c'est normal que tu dis ailleurs. Fallait leur. Ben, je peux pas tout expliquer, moi. Ah, bah, je suis toute seule, alors. Allez, Pascal, ne t'en tiens. C'est à ailleurs qu'on refaisait le monde. Tu crois ça, toi? De toute façon, moi, je vais vous dire un truc. C'est bien simple. Ici, on est allé voir. Ouais. Oui. Eh ben, ici, tout est d'ici. La transition d'ici, l'eau d'ici. Le moulin Gentré, il n'est pas tout à fait d'ici, mais c'est presque pareil, parce que Michel Fournier, ben, il est au moulin Gentré. Mais ben, tout est d'ici. Il est connu, lui. Oh ben oui, je te le dis pas. Il se démonte, il se... Comment qu'on dit ? Il se bouge. Il se bouge. Lui, ouais. Il est pour demain. D'accord, il se bouge. Mais on fait quoi, maintenant ? On fait quoi ? Hein ? Moi, je sais pas quoi faire. Demain, tu sais quoi? On abandonne le téléphone portable. Ah, ça, c'est génial. Yes. Ça, c'est une super idée. Ah, là, là, on y... Ça, on le met à la poubelle. L'ordinateur et Internet, ça sera de la vieille histoire. Mais oui, c'est comme leur énergie avec leur énergie nucléaire, tout ça. Terminer tout ça. Tout ça. Ouais. Faut voir la vie autrement. Exactement. Ouais. Y aller, repartir sur des bases saines, propres, et dans l'entraide et la solidarité. Mais tu sais comment? Tu t'y prends comment? Justement, vous avez appelé mes copains là. Solidarité? Ah oui, c'est un grand mec, costaud, vachement. Oui. Costaud celui-là. Ah oui, ouais. Costaud. Oui. Entraide, c'est celui qui a plein de bras là. Oui, Entraide, c'est. Oui, voilà, c'est... je sais pas, je sais plus comment. C'est voilà. Shiva. Voilà, Shiva. Oui, c'est Shiva. Shiva. Entraide, c'est celui qui a plein de bras. Voilà, voilà. Voilà. Voilà. Et ben, tu vois, à deux mains, à quatre mains, à six mains. Voilà. Oui, mais bon, il faut quand même noter quelque chose. Hein. Le dire. C'est bien, mais le faire. C'est mieux. Ça, c'est sûr. Parce que, de temps en temps... Pour trousser les manches. Ouais. Hein? Et puis des copains, des copines, pour t'aider, tu les trouves pas tous les jours. Ah bah tiens. En tout cas, pas moi. Alors, on fait comment? On communique. Il faut communiquer. Communiquer? On ne peut pas. Regarde tous ces moutons. Ben, il faut pas communiquer avec les moutons. Mais si les moutons à deux pattes, mais même les moutons à quatre ou cinq pattes, ils n'ont pas d'oreilles. Ça s'appelle des moutons de panurge? Ah ben bien sûr. Et qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, moi. Les moutons, c'est quand même pas mal, hein, parce que ça nous donne de la laine. On se chauffe, c'est douillet. C'est gentil, c'est mignon, les moutons à quatre pattes. Mais les moutons à deux pattes. Ah ouais, ceux-là, bon bah d'accord, on peut pas en faire grand-chose. Hein. C'est ceux-là que je te parle. Ouais. Franchement, vous êtes pas marrantes les filles. Mais comment on veut faire du business si on n'a pas des moutons à deux pattes? Pour leur faire acheter toutes les conneries. Et on peut même pas les tondre, hein, ceux-là. Mais si. Ah ouais. Dans ça, comme un œuf. Ah oui? Bah oui. Mais revenons à nos moutons. On parlait des quoi, là? On parlait de demain, aujourd'hui. Mais là, je vais te dire, t'es au bon endroit. Oui, pour parler. Oui, mais surtout, t'es au bon endroit pour préparer demain. Aujourd'hui. Oui. Maintenant. D'accord. Oui. Oui. Ok. Mais t'es au bon endroit. Merveilleux. Ben voilà. Génial. Ben voilà. Ok. On y va alors. Ben voilà, on y va. Elle est partie préparer une disco soupe. Avec les copines et les copains, elle a été faire de la ramasse dans les magasins bio, prendre des choses un peu défraîchies. Et puis elle va s'installer sur la place avec des copains et des copines. Elles vont cuisiner, enfin ils vont cuisiner parce que les mecs ils épluchent aussi, hein, ils s'y mettent. Et puis on va inviter tous ceux qui passent à venir manger la soupe. Il y aura de la musique quand même. Ah mais disco soupe, ah ouais, musique. Disco. Eh bien, par exemple, Olivier viendra nous jouer de la musique. Ouais, voilà. Voilà. Voilà. Et puis, moi, Pascal, tu peux faire un vélo qui fait l'électricité. Oui, ah ben voilà, oui, voilà. Ben voilà, c'est voilà. Ça que je vais c'est faire. Ça. Et c'est ça le monde de demain. Mais oui. Et attention, hein. Surtout, pas de gobelets en plastique, de merdouilles de ce genre. Non, ça on refuse. On n'en veut pas. Et en cuisine, sur un rocket stove. Exactement. Le rocket stove, ça va se pousser, évidemment. On a adapté ça sur des... C'est une bouteille de gaz recyclée, plus de gaz. Donc, on l'a modifié et on n'a fait que des petits bouts de bois dedans. Et ça chauffe du tonnerre de Dieu. Ah ouais. Énergie renouvelable. Ah oui. Sur des disco soupes, oui, c'est oui. Super. Ouais. Ah oui, et puis on fait ça en hiver. Puis il y a le soleil aussi, le soleil. Ah ben, quand tu auras plus... Oui. Sur ton vélo, oui. On pourra pédaler pour avoir la sono. La musique. Mais évidemment, oui. Et avec plein de puissance, on peut sonoriser une ville entière avec un vélo. On fait ça le soir, comme ça on éclaire. Ouais. Voilà. Avec beaucoup de convivialité et de l'amitié. Mais elle revient toujours, mais enfin Christina. Écoute, Christina, franchement, convivialité. Oui. Quoi? Oui, convivialité. Oui. Mais c'est ce qu'il faut faire avec la oui, soupe. Oui, mais avec des masques, puis avec des trucs comme ça, on fait quoi? Et on fait les moutons. Ah ouais. Mais uh-huh. On est confinés cette fois. On n'est plus conviviaux, on est confinés. Con, vraiment con. Oui, mais c'est tout simplement con. Hein. Ouais, oh, dites donc, vous n'êtes pas en train de nous préparer les paroles d'une chanson? On peut demander à Olivier qu'est-ce qu'il pense. Peut-être il arrive à sortir une chanson avec tout ça. Non. Moi, je crois que tu ne la connais pas sa chanson, monsieur. Confiné, confini, confiné. Non, je connais pas. Partez pas là, les deux cocottes, hein. Parce que c'est bien de le dire, mais bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, agir, etc., c'est mieux. Oui. Hein? Alors, vous avez de la bonne parlotte, hein, toutes les deux. Franchement, mais regarde, toi, t'as tes manches encore baissées. Voilà. Oui, voilà, c'est mon relevé. Pour éplucher les légumes. Ouais, voilà. Et bien, bon, on y va. Concurrence. Mais là, c'est mais chaud, on ne va pas faire de la soupe, on va faire des salades. Smoothie. Oh, c'est ça. Il n'avait pas dit qu'il avait un vélo avec le mixeur? Ah, je pense, oui, viens, ton vélo. Un vélo mixeur, ça marche super bien aussi. Bon. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment nombreux à faire ça? Je sais pas, hein. Mais aujourd'hui, justement, hein. Aujourd'hui, ouais, pour préparer demain. Non. Eh ben non. Il en manque des bras. Allez-y. Il en manque des mains pour demain. On serait pas un peu piégé dans cette affaire, hein? Moi, je crois qu'on est piégé. Non. On peut pas sortir du piège, ou c'est difficile. Oui, mais il n'empêche que c'est quand même... Tous les appareils dont on a parlé, on les a fabriqués, et puis en transition. Ouais, donc on effectivement, on n'aurait pas. Mais je pense que on prépare le monde de demain. Oui, mais quand même, on n'est quand même pas nombreux par rapport à une masse de moutons consommateurs. Seulement, semer des graines, c'est vachement important. Parce que quand on sème des graines, qu'est-ce qui arrive après des graines? Une belle plante. Ah! Donc, il faut garder l'espoir, du moins l'espérance. Ah bon? Pas que les plantes. L'amour, la vie. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. La vie sans l'amour, voilà. L'amour sans la vie. Voilà. C'est un peu comme sans sel ni sucre. Hein. Exactement. Il manque quelque chose. Hein. Et les amis? Ah! Je suis d'accord avec toi. Alors c'est ça. Regardez comme c'est beau. Ah, ça, c'est du vrai. Eh oui. Hein? C'est ça le monde de demain. Il est fait de ça le monde de demain. Ce serait donc ça. Oui. Et ça règle tout ça? Ben, moi je pense. Ouais. Mais c'est personnel, hein. C'est juste moi. Donc plus de monde égoïste? Le monde de demain? Moins de monde égoïste? Ben, peut-être qu'on va être obligé, hein. On va peut-être pas avoir le choix. moins de gens qui se prennent pour leur ego, là, c'est comme ça qu'on parle. Qui se tournent autour du... Oui, moi je... Le nombril. Oui. Quoi donc? Et les puissants, ils vont toujours continuer à tirer les ficelles? Moi, tu sais, hein. Hein? Comment ça va se passer là, de ce côté-là? Hein? Et vous connaissez l'effet boomerang? L'effet boomerang? Ouais. Ouais. Ça fait mal. Moi, tu parles, l'effet boomerang. Vous allez voir l'effet boomerang. Bang! Bang! Moi, j'y crois pas. Moi, j'ai pas besoin de croire. Ils sont trop puissants, ils ont tout. Ils savent qu'ils ont des moutons. D'ailleurs, ils disposent de tout notre argent. Exactement. Pour fabriquer des bombes nucléaires. Notre cher Macron vient de commander un nouveau porte-avions qui va sortir. Les puissants, leur puissance, elle est basée sur les petits d'en bas. Donc, c'est les petits d'en bas qui font bouger tout ça. Il faut que les petits d'en bas bougent. Et les puissants, ils tomberont. Donc en fait, si je comprends bien, ce que tu dis, de nous, c'est qu'il tous. Faut qu'on retienne sur nos impôts 20%, ce qui correspond je pense pas si loin. À vous entendre, je ne comprends plus rien. Je ne vois pas où on va. Je sais pas. Par contre, moi j'ai un petit truc. Je pense qu'on a un grand pouvoir, c'est celui de l'achat. Vous savez, on en parle beaucoup de la consommation dans notre société, le pouvoir d'achat. Eh bien, si par exemple, du jour au lendemain, on boycottait les supermarchés et qu'on aille acheter local. Ça, c'est une bonne idée. Ah, tiens, les multinationales et les actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Oh, ben tiens. Ah, parti. Oui. Ben, moi, je préfère quand même aller chez le petit producteur d'à côté. Parce que, regarde, chez Leclerc, tout le monde était confiné, tous les magasins non essentiels, soi-disant non essentiels, ils étaient bouclés. Et chez Leclerc, t'avais le parking qui désemplissait pas. Je ne m'explique pas ça. Eh bien, si on faisait la grève, on le fait déjà, ça. Oui, Marie-Michel, on le fait déjà. Dommage, Pascal, parce qu'on n'est pas assez, hein. On n'est pas assez parce que nous, on le fait, on le dit aux autres et aux autres et aux autres. Soi-disant, si quelques centimes moins cher chez Leclerc, ils y courent, mais c'est de la merdouille, c'est pas bon. Hein? Complètement. Ouais, mais voilà, c'est vrai que tu peux pas empêcher un mouton d'être un mouton, c'est génétique. L'air est moins cher là-bas, mouton, vas-y. Prends ta voiture et fais 30 km. Je vais la tondre. Oh, j'ai froid. Quel bon sang, hein. Tous. C'est aujourd'hui qu'on construit le monde de demain. On vous remercie beaucoup de vos applaudissements et on remercie beaucoup de personnes qui ont commencé l'improthéâtre il y a seulement 2 mois et qui, je pense, sont relativement impressionnées, mais qui ont vraiment bien appris à être sur scène et bien appris à être présents. Pour de l'impro, c'est vrai qu'il faut avoir de l'imagination, il faut que ça bouge. C'est pas évident. Voilà. Non, tout en impro, là. Comment? Tout en impro. Tout en impro. Oui, c'était pas... Tout en impro. On avait absolument rien préparé. Bien. Oh, la dernière phrase. Si on a un peu parlé quand même, mais on dit chaque fois une autre connerie. Puis en fait, on peut vous continuer, là, carrément. Les conneries, on peut en sortir encore. Mais tu l'as oublié, bien. On vous remercie en gros. Et sur une impro intégrale que je trouve vraiment qu'ils sont excellents. Donc pour la disco soupe, Olivier est invité. Alors. Oui. Ça y est, à l'impro, hop, t'as l'idée. Alors, moi je propose qu'on dise un texte maintenant sur le monde de demain et je vais changer l'ordre. Je vais demander à Françoise de passer en... Merci. Alors, un acrostiche, je rappelle ce que c'est qu'un acrostiche. Ça se lit dans la verticale et ensuite en horizontale, elle écrit les phrases avec les premières lettres. le monde de demain. Le monde de demain sera-t-il plus agréable à vivre? Écrire pour échapper à l'évolution du monde de demain. Maints changements vont encore se produire, merveilleux et magnifiques. Occasion de se poser des questions sur l'avenir. Nombreuses questions qui resteront sans réponse. Demain, c'est le réchauffement climatique qui va dominer et les températures vont grimper de plus en plus haut. Déjà à la mi-juin, le thermomètre montre encore 38 degrés vers 17 heures à Colmar et les panneaux clignotent pour nous faire ralentir à cause des taux d'ozone. D'étouffer, j'ai eu l'impression, alors j'ai bu des bouteilles d'eau, les unes après les autres. Et pour tout dire, je ne veux plus penser à l'avenir. Au lac des Corbeaux, je peux me rafraîchir en plongeant dans l'eau. Ici, tout est encore idyllique et le paysage est magique. Non, ne pensons pas encore au monde de demain. Maintenant, place à Maddy Besson qui nous interprète sa chanson Sol, I, Dar, Idé. Bientôt, tu ne pourras plus tes histoires dans ton coin. La place, il n'y en a bientôt plus pour être seul avec soi-même. Bientôt tu ne pourras plus être un humain tout simplement. Ce droit n'existe bientôt plus pour être libre avec soi-même. Va falloir apprendre à dire ce qu'on ressent au fond de soi. Va falloir apprendre à vivre avec les autres et avec soi. Sera plus le temps des individus qui, comme un troupeau, vivent chacun dans leur niche. Bientôt ce ne sera plus le vent des calamités qui, comme des bateaux, chacun dans leur coin. Va falloir apprendre l'humilité et faire avec moins que ça. Va falloir apprendre à partager avec une vie et l'autre avec. Chacun chez soi et Dieu pour tous. On deviendra une autre race. De tous pour un et un pour tous. Et maintenant, place à Vincent Descombis de l'association Vivre et créer à la montagne. À toi, Vincent. Monde de demain. Accélération du temps, décélération de l'âme, ralentir pour vivre, mourir dans l'espace. Allez voir là-haut si on y est. L'inquiétude tenaille nos basques. Propulser devant l'infini nos regards. L'homme nouveau, l'homme passé, l'homme très passé. Le monde de demain, nous avons tous traversé le passé du futur. L'an 01, mai 68, tant de rêves, toutes les possibilités, nous voulons tout et tout de suite, disait-on. La générosité utopique, l'ouverture totale, le monde sans frontières, se resserre sur des resserrements que l'on n'avait pas imaginés. On avait tout imaginé, sauf que l'imagination ne serait pas au pouvoir. Sauf le tarissement de l'imagination, la défiance de l'imagination. Cette sorte de nouvelle guerre mondiale dont le Covid est un des signes. Cette peur généralisée, cette dictature médicale, ce Big Brother en blouse blanche, ce goulag universel. On avait imaginé la révolte générale, quoi. Et puis, non, on courbe la tête devant ce réalisme réducteur, cette généralisation de la bien-pensance réductrice. Aurait-on imaginé que l'on préfère la sécurité à la liberté, que l'on accepte d'approfier la dimension du risque qu'est la vie humaine libre? Alors, le monde de demain a un goût de dispensaire sanitaire. Si la rébellion ne s'en mêle, ne se lève, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande, disait Sartre. Paradoxe, mais... Le Big Brother niveleur suscite des rebelles. Va chercher au fond de soi les forces de vie, l'imagination qui n'est pas au pouvoir, mais qui est au Saint-Noir, comme les trois petits enfants de la chanson de Saint-Nicolas, trucidés, découpés en morceaux, mais ressuscités. Qui sait ? Kiss et caresse et embrasser et rimer la vie. Rimez la liberté face à l'ordre nouveau et vous provoquerez l'ange lumière qui est en chacun. Celui-ci est de tout temps. Il n'est pas de demain ni d'hier. Il est l'irrédentisme de la conscience, la respiration, le grand ouf, le grand vent qui s'élève et qui nous dit et qui veut qu'il faut tenter de vivre. Il faut vibrer de vivre. Il faut vivre de vivre. L'an 01, au Cabu, martyr déchiqueté par la Kalachnikov, entre autres, par le noir de cet âge noir, de cet âge sombre, dont on nous dit qu'il finira bientôt. Le monde d'avant-hier, d'avant-avant-hier, des contes, des sagas, des grands rêves de l'humanité. Oui, il viendra à l'âge d'or. Mais on ne dit pas dans combien d'années. Alors, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry. Et maintenant, nous allons entendre Olivier Dicary nous interpréter une chanson qui s'appelle « Combien de larmes ?» À toi, Olivier.

Et maintenant, nous allons entendre notre journaliste, que je nommerai pas, qui se reconnaîtra en filmo. Ah, moi, je vais utiliser le tabou. Hein, ouais, merci, comme ça, je saurais moi pourquoi je l'ai mis. Voilà, vous êtes bien tabouret. Je me demandais pourquoi j'avais mis le tabouret. J'ai plaisir à l'avoir, voilà. Alors, plus barman, on est bien dans l'accueil. Alors, on boira bien un petit coup après, mais pour l'instant, c'est pas l'occasion. Hein. Alors, accrochez-vous, parce que ça peut en irriter plus d'un. Rappelons-nous, le mari des noces de Cana connaît bien la séparation. Les guerres, les conquêtes de territoires, de richesses, il a vécu la passion. Il connaît le rêve de l'homme, de nos vies à l'état sauvage, la collision fractale technologique où la matière est sage. Elle a touché la main, le roi de l'homme, elle est intelligente. Et l'eau, c'est la vie, et c'est l'eau qui fait céder le barrage de nos attentes. La manne devrait remplir de sensations. Elle ne satisfait plus l'humain, dans son désert émotionnel, sans vie, trop de chagrin. Le progrès crée des besoins sans satisfaire les besoins primaires. Les libertés de propriété, de travail, de pensée, ce n'est plus une affaire. L'équation n'a plus d'égal. C'est quand l'esclavage moderne reste lisible. C'est l'homme est un loup pour l'homme, ce n'est plus un loup visible. C'est le dieu argent. En tuant l'esprit, on tue l'identité. Si un ordre établi dirige l'individu accommodé à se taire en société, à se comporter comme un outil à complaire, soumis comme un drogué. Il existe aussi l'ordre établi céleste, plus ancien. Et la nature appropriée, reine de toutes nos prières, complice de l'état à refaire. Et se convaincre, accepter et changer, le bonheur moins éphémère. Et dans la notion du tout univers, le tout est un cycle. Ère quaternaire au troisième millénaire, psycho-magico-spirituel, le rythme de la vie frappe les cerveaux, émulsion conventionnelle. Parfois, quand on veut faire tourner la roue dans un souhait, il suffirait d'un quart de tour pour atteindre le sommet. J'ai la même chose en plus positif, ça vous dit ? Oui. J'ai la même chose en plus positif, voilà. Ça sent bon le bois. Le bois, vous savez, le noble bois à la santé et à la foi. Dans la chaleur des prières, le couple terre-soleil resplendit, solidaire, solitaire. L'homme est nature, nature, la terre nous accueille. La lune magnétique étonne, molécule, particule, associe à un corps, le nôtre. Puissance dans l'espace, devenir oxygène. C'est le souhait de quelques hommes. Sourçons tout eau gouverne. Source de vie, des heures, espace, fusion, vitesse, apesanteur. Respirer, profusion, altitude, procréation. Qualité de l'air, alluvion, guérison du verbe. Initiation, manger et boire. Méditation. Merci beaucoup, Afi. C'est transparent. Félicie. Oui. Tu peux même profiter du tabouret, toi aussi. Oui, merci. Je suis un peu belle. Alors, elle va nous chanter a cappella. Oui, parce que j'ai rien préparé. Donc, en fait, je vais vous chanter la chanson là. Parce que j'étais bercée par elle quand j'étais petite. Et en fait, comme on a dit dans l'atelier d'écriture aujourd'hui avec Philippe Vallet, puis ici, ben, la vie c'est de la poésie, c'est beau. Donc j'avais envie de vous faire partager la chanson là que j'aime beaucoup. Voilà, ce qui s'appelle La complainte de la butte. Et donc, on se retrouve à Montmartre ou à la Croix-Rousse à Lyon, enfin voilà. Et bah, je vais vous la chanter. Alors, en haut de la rue Saint-Vincent, un poète et son inconnu s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'ovale de tes yeux blasés. Petite inconnue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre de gosse mal nourri. Et dans le nanan, nanan, nanan, qui m'a éhanti. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se frotte, la princesse aussi. Des mains dans la rue, je chante la nuit de mon rêve anéanti. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore un petit texte? T'as quelqu'un qui aurait un petit texte? Ouais, moi j'ai un Alexandrin. Oh, allez, allez, allez, fais-moi un Alexandrin, vas-y. Ah ben, je vais là, là. J'ai une petite chanson, hein, j'ai une petite chanson. Trust, Bernie Bonvoisin, disait, il disait à propos de la vie actuelle, il disait, l'homme qui franchit les portes d'une prison en reste marqué à vie. Quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale, la société est vindicative. Un ex-solar ne sera jamais quitte de sa dette, même après avoir payé, car on lui refusera le droit de vote, mais il sera mobilisé si une guerre se produit. Châtré de ses droits civiques, il restera un ex-tolar. L'homme à qui on refuse le droit de décision n'est qu'une moitié d'homme. Il se soumettra ou se révoltera. Exactement. Voilà, donc ça c'était une partie du texte. Et puis voilà la confusion de pandémie, ça s'appelle. Alors c'est en alexandrin, vous allez voir, ça vaut ce que ça vaut. Alors, passant large sueur des lendemains appelle, la vague au chemin découpé croissant étoile. Maître au sentier orageux dans le miroir, sans feuille ni couronne, vermille jaunie des bois. L'esprit capital comprend son verseur, à l'inverse du souci d'hier correspondre, pour ce jour entendre fusion, grâce et fondre. La vie fluviale d'un bateau à contrefort. La mine a tout donné, le mur assis s'accroche, du froid au noir assis sur un courant d'air fin, des velues arrachées des conducteurs d'étain. Va, bière, puis trois, tête, bois et proche. Ça recommence. Trop fermée la porte des plaisirs du cousu, faites tomber la force des coquins trop nus. Libérez vos instincts et entrez, saison d'amour. Le couple, la famille, réseau des êtres en cours. Et pour terminer le spectacle, une petite dernière de Maddy Besson, con quoi, quoi que con. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. C'est radonneur, il n'y a pas chemin, on fait les chemins quand on chemine, en tourner la vue en arrière, on voit la voie, que jamais on ne retournera en cheminant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Ouais, je veux bien, j'ai une poésie avec comme Christina. Alors, il s'agit d'un texte sur la vie des sadhus. Vous connaissez la vie des sadhus en Inde? Est-ce que quelqu'un le connaît? Non. Il s'agit de la personne immortelle du village qui a vécu bien des tentations et bien des approches de la vie vers l'éternel et qui désormais est prêt pour se dire immortel. Et en tant qu'immortel dans le village, il vit nu et il vit en accord avec le temps, comme s'il était une représentation divine, d'une divinité sur la terre. Donc les hommes qui le côtoient n'ont pas le droit de le regarder et n'ont pas le droit de le côtoyer. Donc il vit seul, reclus, mais il sait qu'il est mortel, lui. Alors la société, c'est pas du tout le même regard que nous. Hein. Alors là, ils ne considèrent pas les choses comme nous. Hein. Voilà. Alors, immortel du village, je suis un sadhu. Je suis un sadhu, habillé de nu, de nuit, habillé de cendre, rien ne m'échappe. Je suis un sadhu, on ne peut pas me regarder. Je suis mort devant vous, à l'écoute du ciel intégré. Je suis un sadhu, je suis mort devant vous, spiritualité pour l'éternel, représentant du relationnel. Je suis un sadhu, on ne le discute pas, on le respecte partout, l'âme qui vous traversera. Je suis un sadhu, le fils des rois, pauvre et riche à la fois, mais de quoi? Le respect s'est fait pour ça. L'esprit est avec toi, le chemin est long. Sentons-nous accompagnés. Je suis un sadhu, efficace en tout, cicatrisant dans l'extrême, voyageur des terres qu'on aime. Voilà. Désigner des volontaires en une phrase. Chacun peut dire le monde de demain, ce qu'il a envie de dire dessus. Voilà. Pierre. Nous. Voilà. C'est pas moi, c'est nous. Ensemble. Toi, le monde de demain, c'est nous. Voilà. Bien. C'est très bien dit. Merci. Oui, parce que je commence donc, j'ai pas beaucoup le temps de penser, mais voilà. Oui, mais c'est. Voilà. Je trouve que c'est une synthèse excellente. Voilà. C'est donc nous ensemble. Voilà. Voilà. Nos enfants et nous. Oui. Attends, ça va arriver ton tour. Garde ta phrase. Françoise, elle sait qu'elle va arriver en deuxième. Moi, c'est plus jouir du temps présent et ne pas encore penser à demain. D'accord. Entendu. Et Maryse. Le monde de demain, c'est dans l'incertitude, vivre joyeusement. Bien. Marie-Michel. Le monde de demain, c'est un peu la suite du monde d'aujourd'hui, en mieux. Jean-Luc. Moi, j'hésite entre deux réponses. Il est apocalyptique ou alors il sera joyeux. D'accord. On a tellement d'occasions d'être apocalyptique que... J'ai du mal de ne pas y penser. D'accord. Arrête de dire des trucs anti-nucléaires. Vincent. Un soleil, de toutes les façons, justement, un soleil merveilleux ou bien incandescent de notre fin ou de notre renaissance. D'accord, je comprends. Géraldine. Le monde de demain, le travail va être de plus en plus difficile. Par rapport, on le voit par rapport aux années précédentes. Je plains nos enfants. D'accord. Christina. Renaissance. D'accord. Bien. Pascal. Le monde de demain, ce sera un jardin, ce sera une forêt. En espérant qu'il y ait des humains pour en profiter. Pour se relier, pour sentir qu'ils sont vivants comme... comme ce qu'ils ont sous les yeux. D'accord. Ouais. Eric, tu ne vas pas y couper, hein. Une phrase courte, on ne te demande pas beaucoup. D'accord. Non, ben, moi, je penserais éloigner la pensée unique ou éviter le moutonnage comme il était question tout à l'heure. D'accord. Et Domi. Alors, le monde de demain, c'est ce qu'on prépare maintenant pour être meilleur demain. D'accord. Félicie. C'est un peu comme Katharina, c'est Renaissance par l'aile du Verseau. D'accord. Et la phrase de Jean Ferrat, que c'est beau la vie. Comme c'est beau. Qu'on fasse tout pour ça. C'est bien. Et Segundino, maintenant c'est ton tour. Nous et nos enfants. Nos enfants qui se tournent vers un monde nouveau pour nous, mais qui pour eux, ils y sont déjà depuis un moment, préparés à un combat pour une survie de la nature, de l'écosystème et tout ce qui va avec. Entrer en symbiose avec ce monde, justement, d'écologie. D'accord. Voilà. Merci bien. Et on va terminer par Filmo. Christophe. Eh bien, j'écris personnellement que le 3 février, à la Saint-Blaise, si tu fais l'amour pendant 21 jours, tu arrives le 24 février, à la Saint-Modeste. Et ça, ça me paraît important, ça me paraît important. On va terminer par notre musicien, Olivier. Le monde de demain. Le monde de demain. Je sais pas, je dirais demain, c'est... Main dans la main, si nous le voulons bien. C'est bien dit, oui. Et maintenant, nous accueillons la chanteuse Aïssaté avec l'association Chansons du Monde. Aussi. C'est possible que ça coupe, mais c'est pas grave. Mieux vaut rire que pleurer, non? Le ventre est plein, les poches sont vides. On prend bien soin d'éviter le pire. Oh, il ne faudrait pas qu'on nous divise. La terre appartient à tous ceux qui y vivent. Mieux vaut rire que pleurer. On ne veut pas de vous là où l'herbe est plus verte. Merci. Nous remercions toutes les personnes présentes, l'association Vivre et créer à la montagne, Chansons du monde, Atelier autoconstruction et Épinal en transition et Ralentir pour vivre pour cette belle soirée et vous disons à bientôt.